Alors bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans l'étude de la parole de Dieu. Ce matin, on prend une petite pause de l'Épître aux Romains parce que l'été arrive là et il y a plusieurs personnes qui manquent souvent pendant l'été. Les gens sont en vacances, se déplacent plus et donc certains dimanches on est plus, certains dimanches on est moins. Donc on va prendre une pause de l'Épître aux Romains pour revenir vers la fin de l'été, autour de la fin de l'été. Donc, j'ai préparé une série de messages sur le thème de l'Église locale. Et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi, j'en ai eu, à préparer ce message. Du plaisir à l'écouter, du plaisir à comprendre, les vérités de la parole de Dieu. Donc, ceci étant dit, je vous inviterai, si vous voulez bien, à tourner dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Et bien sûr, je vais vous le lire et ça va apparaître sur l'écran. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Lorsque Jésus dit, « Tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église », ma compréhension est celle des chrétiens évangéliques et que sur cette déclaration, sur ce que tu viens d'articuler, Pierre, au nom des autres apôtres, sur cette déclaration, sur cette vérité, je vais maintenant bâtir mon Église. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, on a aussi cette déclaration. « Vous avez été construits, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, le fondement, c'est la vérité que Pierre a dite. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus est le Messie qui devait venir, le Sauveur du monde. Notre foi est bâtie sur la parole de Dieu et l'Église est basée sur la vérité de la parole de Dieu, qui est enseignée par les apôtres dans le Nouveau Testament et qui est enseignée par les prophètes de l'Ancien Testament, qui nous sont parvenus dans les Écritures, bien sûr. Ensuite, Jésus dit cette vérité. Sur cette vérité, sur ce que tu viens de dire, Pierre, je bâtirai mon Église. Mais qui est ce « je » On sait qui est « je » ici, Jésus. Mais qui est ce « je » véritablement qui dit « je bâtirai mon Église » Je pense qu'on a une fenêtre sur la gloire de Jésus. Non seulement le Jésus homme, mais le Jésus Dieu, celui qui a la puissance. Dans l'Apocalypse chapitre 5, on a une fenêtre qui est ouverte sur le ciel, où est-ce que Jean est emmené, là, où est-ce qu'il est ravi en esprit. Il a cet immense privilège d'être témoin de choses extraordinaires. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, et à ce moment-là, Jean a des larmes aux yeux. Où est-ce qu'on le retrouve là? Il y a des larmes aux yeux parce qu'il n'y a personne qui semble être capable, être assez digne pour ouvrir le livre et ouvrir les sceaux qui sont dans la main de Dieu et qui représentent l'histoire et tout ce qui doit arriver. Donc, Jean est triste. Et le verset 5 nous dit, « Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » On parle de Jésus ici, là. Ensuite, il y a un chant qui est entamé au verset 9, et ça parle encore de Jésus. Ça dit, « Tu es digne, Jésus, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu. Et je mets une petite parenthèse ici, vous allez m'entendre souvent dire ça ici. Le verset 9 nous dit, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Tu as racheté des hommes pour Dieu. La raison pourquoi Jésus nous sauve, c'est pour son Père, c'est pour Dieu. On est là pour lui. Et la fin du verset 10 nous dit la même chose. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. La raison est, c'est Dieu la raison. Verset 11 de Apocalypse 5 nous dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Ça fait combien ça, des milliers de milliers? Est-ce qu'on peut s'imaginer combien d'anges et d'êtres vivants qu'il y a au ciel? Des myriades de myriades et des milliers de milliers? Combien ça fait? Je ne sais pas exactement, mais je sais que 1000 fois 1000, ça fait 1 million. 2000 fois 1000, ça fait 2 millions. Donc, des milliers de milliers, c'est un minimum, strict minimum de 2 millions. Le texte dit des myriades de myriades et des milliers de milliers. Imaginez-vous 2 millions minimum d'anges et d'êtres vivants qui sont autour du trône, pleins de passion, pleins d'amour, qui louent le Seigneur, qui, à l'unisson, avec des voix magnifiques, des voix parfaites, qui ont la parfaite note et qui louent le Seigneur sans se fatiguer. Qu'est-ce que disent ces anges et ces êtres vivants? Verset 12 nous dit, « Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé, Jésus, est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » C'est celui qui dit ici, « Je bâtirai mon Église », c'est lui qui est digne. Et ensuite, cette extraordinaire déclaration au verset 13, « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, on arrête là. » De quelle créature est-ce qu'il parle ici? De quelle créature parle-t-il? Il dit, « Les créatures qui sont dans le ciel, les créatures qui sont sur la terre, celles qui sont sous la terre et celles qui sont sur la mer. » Personnellement, je pense qu'il parle des papillons. Il parle des oiseaux, il parle des chevaux, des chiens, des chats, des chameaux, des marmottes, des lapins, des chenilles, il parle des baleines, il parle des poissons, toutes les créatures que Dieu a créées. Et Dieu leur a donné la capacité de parler à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils se mettent tous à parler et j'en dis, « Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, à Dieu le Père et à Dieu le Fils. » La louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Voyez-vous, l'agneau est au même niveau que Dieu le Père ici. Ils reçoivent la louange, ils reçoivent l'honneur, ils reçoivent tous deux la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Jésus est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance. Non seulement par les anges et toutes les créatures qu'il a créées, mais par nous aussi, qui sommes une des créatures, bien sûr, une merveilleuse créature, David nous dit, il est digne de recevoir notre louange aussi. Et le texte continue au verset 14, toujours dans Apocalypse 5. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Jésus est digne de notre adoration. Le « je » qui dit « je bâtirai mon Église », il est digne de notre adoration. Jésus, dès sa naissance, a reçu l'adoration. Vous vous souvenez? De la part des mages, ça dit « ils se prosternèrent et adorèrent ». Déjà, à sa naissance, Jésus recevait l'adoration. Et on le voit au ciel qui reçoit aussi, avec le Père, l'adoration. Donc, voilà qui est, voilà une fenêtre petite, mais tellement glorieuse, tellement belle, de ce qui est notre Jésus. On l'aperçoit quelques minutes dans le ciel. Qui est celui qui dit « Je bâtirai mon Église ». C'est ce Jésus qu'on proclame en ce lieu, l'Église baptiste de l'Évangile à Val-d'Or. J'aime l'Église. J'aime l'Église locale. Et j'essaie d'y être le plus souvent possible dans cette Église, dans cette Assemblée. J'ai hâte aux réunions afin d'être avec mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous donner quelques raisons pourquoi j'aime l'Église locale. La première de ces raisons pour laquelle j'aime l'Église, c'est que c'est la seule institution que Jésus a promis de bâtir et de bénir. Avec tout ce que Jésus aurait pu faire, tout ce que Jésus aurait pu faire dans le monde et toute la puissance qu'il avait pour le faire, il n'a promis que de bâtir l'Église, son Église. Et comme on l'a vu dans Matthieu chapitre 16, bien sûr, il dit « Je bâtirai mon Église, je bâtirai mon Église ». Vous savez que c'est une déclaration tellement grandiose, ces quatre mots-là, quatre mots qui signifient tellement. Parce qu'à partir de cette déclaration, à partir de cet engagement de Jésus-Christ, il sauve des personnes, il sauve des gens. À partir de cette déclaration, vous êtes nés de nouveau, je suis né de nouveau, si on est des croyants, on est né de nouveau. On est passé de la mort à la vie à cause de cette déclaration-là, à cause de la promesse que que Jésus a faite. Jésus n'a jamais dit qu'elle allait construire autre chose que son Église. Il n'a pas dit qu'elle allait construire une école chrétienne. Il n'a pas dit qu'elle allait bâtir un ministère de radio. Il n'a pas dit qu'elle allait partir un magazine chrétien. Tout ce qu'il a dit, c'est « Je bâtirai mon Église ». Je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, vous m'avez sûrement entendu, je ne sais pas si les oreilles vous ont dressé sur la tête, j'ai dit, et je le redis, je n'ai pas le désir de bâtir l'Église du Seigneur Jésus. Je n'ai pas le désir de bâtir l'Église du Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça la dernière fois? Et pourquoi est-ce que je le dis là maintenant? Parce que Jésus a dit « Je ». Il n'a pas dit « Patrick bâtira mon Église ». Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et je ne veux pas rivaliser, je ne veux pas être en compétition avec mon Seigneur, avec Jésus-Christ. Je n'ai pas envie de bâtir l'Église, de faire son œuvre, son travail. Je dois laisser le Seigneur bâtir son Église. Et c'est une immense joie et une immense paix, soulagement pour moi de savoir cette vérité, de connaître cette vérité-là. Parce que je réalise que je ne fais pas partie d'un mouvement humain, d'un programme humain, d'une opération humaine qui dépend justement des capacités d'un homme, qui dépend de la volonté d'un homme, qui dépend de l'humeur d'un homme, qui dépend de l'obéissance d'un homme. L'Église locale, l'Église universelle, la construction de cette Église-là dépend de celui qui a promis de le faire et qui a la puissance d'accomplir cette promesse-là. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et me poser la question, est-ce que c'est moi qui ai fait ça ou est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moitié-moitié? Tout ce que je sais au propos de l'Église, c'est que c'est Jésus qui a dit qu'il bâtirait son Église et que la Bible, dans la Bible, ça dit qu'il va construire son Église par la puissance de sa parole et par la puissance du Saint-Esprit. Je veux être capable de regarder en arrière personnellement et dire « J'ai prêché la parole de Dieu et rien d'autre. » Et j'ai seulement dépendu de la puissance du Saint-Esprit afin que Jésus-Christ bâtisse son Église. Si Jésus se sert de moi comme un outil pour annoncer la parole de Dieu, amen, je suis disponible, je suis volontaire. Mais Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, pour mieux peut-être comprendre ce que je suis en train de dire, pour avoir un exemple, tournez avec moi dans Marc, chapitre 4, verset 26. Marc, chapitre 4, verset 26, où on peut le lire ici. Ça nous dit, « Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. » Qu'est-ce que l'homme a fait dans ce texte-là? Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a planté, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a semé. Et le verset 27 nous dit, « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, la semence croît, sans qu'il ne sache comment. » Ce n'est pas une formule humaine qui fait que la semence va croître, va grandir, va vivre, va se mettre à pousser. Ce n'est pas humain, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église ». 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, nous dit semblable. C'est Paul et Apollos. Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé. J'ai semé, j'ai parlé du Seigneur Jésus, j'ai annoncé l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et Apollos a fait la même chose, donc il a arrosé. Mais Dieu a fait croître. C'est l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Il ne faut jamais oublier ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donnons-lui la gloire. Dieu fait le miracle de faire passer de la mort à la vie. Verset 7 de 1 Corinthiens 3, « En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Mais il met l'emphase sur Dieu ici, là. Je n'ai pas envie, personnellement, de faire partie de quelque chose que Dieu n'est pas en train de bâtir. Je veux m'investir dans l'Église locale. Les programmes et les campagnes d'évangélisation, c'est très bien. Mais si on croit que c'est à cause d'eux que les gens sont sauvés, il y a un problème ici, là. Le Seigneur se sert de programmes, oui, tels que évangélisation explosive, qui sont implantés dans bien de nos églises. Il se sert de déjeuner de l'espoir. Il se sert de camping d'évangélisation, de porte-à-porte, du même du programme « Votre profil spirituel » qui est un questionnaire, et bien d'autres peut-être. Mais tous ces programmes n'ont qu'une seule chose en commun, la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu, on programme la parole de Dieu dans ces programmes et d'autres. Évangélisation explosive, à travers des questions, annonce l'Évangile. Déjeuner de l'espoir annonce l'Évangile. Il y a un déjeuner, il y a l'Évangile qui est annoncé. Camping d'évangélisation, des chrétiens qui se réunissent dans un camping afin d'atteindre les gens autour d'eux. Annoncer l'Évangile, faire du porte-à-porte et annoncer l'Évangile à l'aide de questionnaires, à l'aide de quoi que ce soit. Votre profil spirituel, encore là, un questionnaire dans le but d'annoncer l'Évangile. Ce sont des programmes qui peuvent être utiles, qui peuvent nous être utiles, les êtres humains, ou que Dieu peut se servir. Mais ce sont des programmes. Et si la parole de Dieu n'est pas annoncée à travers ça, alors c'est inutile. Mais ce que je veux dire, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Si on prêche la parole de Dieu, ne pas oublier, si on prêche la parole de Dieu, c'est que d'abord, Dieu a fait un miracle dans notre vie. Dieu a ouvert notre cœur. Alors, à lui, la gloire. Donc, première raison pour laquelle j'aime l'Église, c'est que c'est lui qui a dit qu'il allait bâtir son Église. Deuxième raison pour laquelle j'aime l'Église locale, c'est qu'elle va gagner à la fin. Je fais partie d'une institution, d'une organisation gagnante. Nous faisons partie, frères et sœurs, des gagnants. Beaucoup de gens commencent toutes sortes d'entreprises et n'arrivent pas à la rendre à terme. Vous saviez-vous ça? Beaucoup de gens passent leur vie dans une carrière et ils arrivent à la fin et ils en retirent très peu. Certaines personnes décident d'investir dans la finance et dans les investissements et ils y perdent tout. Pas tout le monde, plusieurs. Mais je peux vous dire ceci. Si vous investissez votre vie dans l'Église locale, vous allez faire partie des gagnants. Vous allez faire partie des gagnants. Parce que Jésus dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole de Jésus. Les portes du séjour des morts, c'est une expression juive qui faisait allusion à la mort. Les portes du séjour des morts, c'est un symbole de mort pour les Juifs. Et ce que Jésus dit, il dit, je bâtirai mon Église et la mort ne va pas m'arrêter. La mort ne va pas m'empêcher de bâtir mon Église. C'est ce que Jésus dit. Vous voyez, la mort, c'est l'arme la plus destructrice, la plus puissante que Satan a. Et il l'a d'abord utilisée sur Jésus, parce qu'il pensait que s'il pouvait tuer le bâtisseur de l'Église, il pouvait tuer l'Église. Mais ce que Satan avait décidé comme mal, Dieu l'a changé en bien. Le bâtisseur est sorti de la tombe. Satan voulait détruire le bâtisseur et détruire l'Église, mais le bâtisseur est sorti de la tombe. Amen. Et tout au long de l'histoire, Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, c'est ce qui s'est passé. Satan s'est efforcé d'effacer, de détruire l'Église. Il a abattu l'Église. Il a tué l'Église. Des gens sont morts en martyr. Et même à ce jour, continuent de mourir en martyr à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Saviez-vous cela? Au 21e siècle, il y a encore des gens qui meurent. Pendant que vous êtes paisiblement assis sur votre chaise à écouter ce message dans un pays où coule le lait et le miel dans lequel Dieu vous a fait naître. En ce moment même, sur la planète ailleurs, il y a des gens qui meurent à cause qu'ils sont chrétiens, à cause qu'ils refusent de renier la foi, à cause qu'ils n'ont pas honte de Dieu, qu'ils n'ont pas honte de l'Évangile, à cause qu'ils sont fiers du Seigneur Jésus, ils meurent. L'arme la plus puissante de Satan, la mort, ne peut cependant pas éradiquer l'Église à cause de celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Parce que le sang des martyrs, c'est la semence dans laquelle fleurit l'Église. Le sang des martyrs, c'est la semence dans laquelle fleurit l'Église. Et on en a une démonstration dans Actes 8, verset 1. Alors qu'Étienne est là, ça nous dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Satan voulait détruire l'Église à sa naissance en faisant tuer les chrétiens, en les persécutant. Mais Jésus a dit cette parole qui est grandiose, qui est extraordinaire, qui est rassurante. Dans Jean 6, versets 36 à 39, Jésus déclare ceci. « Tout ce que le Père me donne, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne perdrai aucun d'entre eux. » Tous. C'est qui ça? C'est moi et c'est vous. C'est nous tous. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. C'est une certitude. Et Jésus dit, je ne perdrai aucun de ceux qui viennent à moi. Le Père me donne cette personne. Et Jésus dit, Satan ne t'arrachera pas de ma main. Tous ceux que le Père a décidé de racheter seront rachetés. Et personne ne va se perdre dans le processus. N'est-ce pas merveilleux, ça? C'est rassurant, c'est apaisant, ça nous donne la joie, une fierté d'appartenir à ce Jésus-là, à ce Dieu-là. Et puis Jésus dit dans Jean 6, verset 39, « Et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai, je te ressusciterai au dernier jour. Tous ceux sur lesquels le Père met sa main viendront à moi. » Et tous ceux qui viennent à moi, je les garderai. Et ceux que je garde seront ressuscités au dernier jour. Amen. L'Église sera victorieuse. Et nous faisons partie de quelque chose qui est éternel. Nous faisons partie des gagnants. J'investis mon cœur dans l'Église, qui est la construction de Jésus-Christ. Et l'arme la plus puissante que Satan a, la mort, ne peut même pas y mettre fin. Ne peut rien faire contre elle. Et un jour, l'Église totalement intacte, sans aucun de perdu, mais avec tous ceux que le Père a tirés, avec tous ceux que Jésus a gardés, vont venir dans l'amour du Seigneur Jésus, vont demeurer avec lui pour l'éternité. Ce sera l'Église triomphante, l'Église glorifiée de celui qui a dit « Je bâtirai mon Église. » Et je vais être là. Et vous qui aimez le Seigneur Jésus, vous allez être là aussi. Et on va être gagnant. On va hériter de la gloire éternelle auprès du Père, auprès du Fils. On va être dans la présence de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Dieu. J'ai toujours voulu être du côté des gagnants. Je n'ai pas toujours été, mais maintenant je le suis, à cause de Dieu, grâce à Dieu. La troisième raison pour laquelle j'aime l'Église, c'est parce que c'est le bien le plus précieux. L'Église est le bien le plus précieux que Dieu a sur la terre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Actes, chapitre 20, verset 28, on peut lire ceci. C'est Paul qui parle aux anciens de l'Église d'Éphèse. Actes 20, 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » Et puis il ajoute ceci, il parle de l'Église, « qu'il s'est acquise avec quoi? Avec son propre sang. » Comment précieuse est l'Église? Comment précieuse est l'Église? 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, nous dit « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Dieu a payé un prix infini afin de racheter l'Église. Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? » Verset 20 nous dit, « Car vous avez été, quoi? Racheté à un grand prix. » Vous avez été racheté à un grand prix. Notre valeur en tant qu'Église, en tant qu'individu, elle est étroitement liée, est intimement liée avec celle de Jésus, avec celle de son sacrifice. Nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu à cause du sang versé de Jésus-Christ. J'aime l'Église locale. J'aime l'Église parce que Christ a aimé l'Église. Il l'aimait assez pour donner son sang pour elle. Et je n'aime pas ça lorsque quelqu'un parle contre l'Église. Je n'aime pas cela, lorsque quelqu'un diminue l'Église du Seigneur Jésus. C'est la seule institution que Jésus ait promis de construire et de bénir. C'est la seule qu'il a jamais promis de bénir et elle est gagnante. Elle est gagnante. Toutes les autres institutions et associations vont prendre fin un jour, mais l'Église triomphante va occuper la gloire du ciel auprès de son Maître, auprès de son Dieu, auprès de l'Époux. À un prix inestimable, à un prix inestimable, voilà la réponse à la question « Comment précieuse est l'Église? » Un prix inestimable. Il y a une quatrième raison pour laquelle j'aime l'Église, non seulement parce que c'est la seule institution que Jésus bâtit et bénit, non seulement parce qu'elle est gagnante à la fin, non seulement parce que c'est la chose la plus précieuse que Dieu a sur la terre, mais également parce que c'est le lieu où est-ce qu'on adore. On adore l'Église, l'Assemblée, et non le bâtiment. L'Église, c'est le lieu où est-ce qu'on adore. Oui, je sais, on adore Dieu en esprit. On adore Dieu en esprit. Philippiens 3, 3 et Romains 1, 9 nous disent ça, que nous adorons Dieu en esprit. Je peux adorer Dieu dans mon cœur tout seul, sans la présence de personne. Il y a une place pour ça. Il y a une place pour ça. Mais vous avouerez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe lorsque toute l'Église locale est assemblée ensemble pour louer, pour adorer son Seigneur, son Dieu, son Sauveur, n'est-ce pas? Il y a certains moments où est-ce que lorsqu'on chante certains chants et lorsqu'on entend les voix de l'Église, de l'Assemblée, du groupe de louanges, on est tous en train de louer le Seigneur, je me croirais presque au ciel à certains moments. Et ça, on peut juste vivre ça au ciel. Oui, on va le vivre parfaitement au ciel, mais on peut vivre ça en assemblée en tant qu'Église. Et c'est ce qui se produit lorsqu'on se réunit ici. Et vous ne pouvez pas vivre cette dynamique-là lorsque vous êtes tout seul à la maison. Lorsque vous ne pouvez pas sentir ou vivre cette chaleur, cette harmonie, cette unisson qui est une seule voix qui monte comme un parfum de bonne odeur vers le Seigneur. On ne peut pas vivre ça devant notre ordinateur. On ne peut pas vivre ça devant la télévision. Pourquoi? Parce que c'est lorsque nous sommes ensemble que nous sommes forts. C'est lorsque nous sommes ensemble qu'on peut s'encourager les uns les autres, qu'on peut s'affermir les uns les autres, qu'on peut s'encourager, oui, à l'amour et aux bonnes œuvres. À l'intérieur du culte de l'Église, j'ai besoin de ça personnellement. J'ai besoin de m'asseoir dans l'Assemblée et j'ai besoin d'entendre la parole qui m'est prêchée. J'ai besoin que quelqu'un soit assis aux côtés de moi, qui me connaît très bien et qui sait ce que je viens d'entendre pour être redevable envers l'Église, de la vérité que je viens d'entendre. Redevable de vivre de cette manière-là. J'ai besoin de vivre les uns les autres dans l'Église. Je suis seul à la maison, je ne peux pas vivre ça. Je suis seul avec mon épouse ou avec mon mari, je peux juste vivre l'un l'autre, ou l'un ou l'autre. Mais je ne vis pas les uns les autres de la Bible. Ça ne se fait pas seul à la maison. Peut-être est-ce que vous vous dites, j'ai pas besoin d'aller à l'Église, moi. Ou j'ai pas besoin de venir souvent parce que j'écoute des messages sur Internet. Et j'ai rien contre ça, je le fais moi-même ici. En partant, je fais ça. J'écoute des messages sur Internet. J'écoute John MacArthur, j'écoute Chuck Swindoll, j'écoute John Piper, j'écoute François Nollet, et je le mentionne ici parce qu'on le connaît bien. Donc, j'écoute toutes sortes de messages, toutes sortes de prédicateurs. Je disais que l'Église, on ne peut pas vivre ça à la maison. Et si la raison pour laquelle, si on dit, j'ai pas besoin d'Église, moi, parce que j'écoute des messages, j'écoute ces prédicateurs-là, ou d'autres, donc j'ai pas besoin de l'Église, je vous dis, ben voyons donc. Ça n'a pas d'allure ce qui est dit là, ce que vous pensez. On peut écouter un message de John MacArthur, de Chuck Swindoll, de John Piper et de bien d'autres. Et on entend des vérités, mais il n'y a personne qui sait qu'on est redevable d'avoir entendu ces vérités-là. Je ne suis pas redevable envers personne. Personne ne m'a entendu les entendre, mais les écouter, mais les être prêchés. Notre redevabilité vient de nos relations les uns envers les autres. Lorsque les prédications qui sont sur Internet, qui sont à la télé ou ailleurs, deviennent notre Église ou remplacent, et c'est le mot que je veux mettre l'emphase ici, remplacent l'Église locale, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est l'Église locale, qui est la création de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Vous avez besoin d'une responsabilité sociale, d'être assis là avec les frères et sœurs qui vous connaissent et qui savent ce que vous avez entendu et que maintenant vous êtes redevable de la vérité que vous avez entendue, de vivre de cette façon-là. Il n'y a pas de substitut à l'Église. Il n'y a pas de substitut à l'Église. Si on croit le contraire, c'est qu'on a cru au mensonge que Satan nous a donné. Satan ne veut pas qu'on vienne à l'Église. Satan ne veut pas l'Église, point. Satan ne veut pas de Jésus. Ne parlez pas de Jésus, ne venez pas ensemble, vous encouragez au sujet de Jésus. Ne venez pas en Église au sujet de Jésus. Pas de Jésus, pas d'Église, pas de croyants. C'est la volonté de Satan. C'est clair? C'est opposé à la volonté de Dieu. C'est une des raisons pourquoi on s'assemble ensemble dans un bâtiment comme une chapelle. Ce n'est pas nécessaire d'être dans un bâtiment, on pourrait être ailleurs ensemble. Ou est-ce que l'Église est réunie ensemble? Donc, j'aime l'Église parce que c'est un lieu de culte. L'Assemblée, c'est un lieu de culte. C'est un endroit pour l'éducation, c'est un endroit pour être enseigné, c'est un endroit pour adorer collectivement. On y vient pour le culte et on y vient pour l'édification. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que l'Église, c'est fait pour les non-croyants, qu'on devrait arranger nos réunions pour les non-croyants. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que, première des choses, il n'y a aucun mot, il n'y a aucune incitation, il n'y a aucun exemple dans le Nouveau Testament qui nous démontre qu'un service religieux doit être conçu pour un non-croyant. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. On n'organise pas nos services pour les non-croyants. On ne se réunit pas pour l'évangélisation. On se réunit pour l'éducation, on se réunit pour l'enseignement, on se réunit pour l'adoration, et ensuite on se disperse pour l'évangélisation. On ne vient pas ensemble pour prêcher encore et encore le simple évangile. Et là, je sais que le mot évangile est plus large que ça. On ne vient pas encore ensemble pour encore et encore entendre ou prêcher le simple évangile aux non-croyants. Ce n'est pas le but de la réunion de l'Église. L'Église se rassemble afin qu'elle puisse collectivement adorer le Seigneur Jésus, s'encourager les uns les autres aux bonnes œuvres et à l'amour, afin qu'elle puisse être édifiée et tenue responsable de la vérité ou des vérités qu'elle entend. Et ensuite, je voulais dire, elle se disperse pour annoncer cette vérité-là, pour annoncer l'Évangile, pour parler de Dieu, du Seigneur Jésus, de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Dans 1 Corinthiens, il y a un commentaire très, très intéressant, et souvent on le lit et on passe au-dessus, on ne s'arrête pas ou on ne comprend pas cette vérité-là. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 23. Au moment où est-ce que Paul écrit à l'église de Corinthe, à ce moment-là, c'est le chaos total dans l'église. Et Paul leur dit, verset 23, « Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, que diront-ils? Ne diront-ils pas, pardon, que vous êtes fous? » C'est une déclaration super intéressante, ça, très intéressante. Il dit, « Si vous vous rassemblez en tant qu'église, et que tout le monde parle en langue, que va-t-il se passer si un non-croyant arrive? » Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui me frappe dans ce texte-là, 1 Corinthiens 14, 23? C'est que le but du rassemblement de l'Église, ce n'est pas pour les inconvertis, ce n'est pas pour les non-croyants. Mais imaginez, l'un d'entre eux pourrait arriver, c'est ce que Paul leur dit. Il pourrait venir, c'est possible. Je veux dire, c'est comme si on faisait nos réunions pour eux, mais c'est possible qu'ils en viennent au moment où est-ce que Paul écrit ça. Il dit, « Qu'allez-vous faire si un non-croyant se présente? » C'est comme si c'était une chose étrange qu'un pourrait venir. Mais on sait qu'on est au 21e siècle, on n'est pas au 1er siècle, et au 21e siècle, les non-croyants viennent dans nos bancs, sur nos chaises, ils viennent entendre, ils viennent écouter, ils viennent par curiosité. Dans nos églises, il y a des non-croyants, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et ils sont là parmi nous. Mais on ne se rencontre pas pour les non-croyants. Paul dit, si l'inconverti arrive et que vous êtes tous en train de parler en langue, il va dire, ces gens ont perdu l'esprit, ils sont fous, tout le monde parle en langue. Mais si tous prophétisent, verset 24, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si la vérité de Dieu, elle est déclarée, et qu'il entre quelqu'un et que la parole de Dieu est enseignée, et que la parole est déclarée, alors le non-croyant va être condamné par le dévouement de tous à la parole de Dieu, à la soumission de la parole de Dieu. Il va être convaincu et il va être jugé par tous. Verset 25 nous dit, « Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Nous n'avons pas, frères et sœurs, nous n'avons pas à créer une zone de confort afin d'attirer les non-croyants dans l'Église, parmi l'Église. Mais s'ils viennent, comme c'est le cas de nos jours, et qu'ils écoutent pendant le culte, et qu'ils entendent la parole de Dieu qui est prêchée avec puissance, et qu'il n'y a pas justement de puissance comme la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et qu'ils voient que vous vous soumettez à la parole de Dieu qui est entendue, et que vous adorez ce Dieu-là, alors il risque de tomber sur sa face et de dire, « Dieu est ici, c'est incroyable !» Voilà pourquoi j'aime l'Église locale, j'aime l'Église de Dieu. C'est un lieu de culte et un lieu pour l'édification. Une cinquième et dernière raison maintenant pour laquelle j'aime l'Église du Seigneur, c'est parce que c'est le point d'évangélisation, le point de départ d'évangélisation du monde. C'est le point de départ de l'évangélisation du monde. Si vous lisez les actes des apôtres du Nouveau Testament, vous verrez que c'est toujours l'Église qui envoie, que c'est l'Église qui envoie les missionnaires. Il y avait toujours ce genre de responsabilité avec l'Église, ce genre de connexion entre le missionnaire, entre ceux qui sont envoyés et l'Église locale. Si on lit le chapitre 13, on pourrait lire tout le chapitre 13 des Actes. C'est-à-dire, ils étaient là, Paul, Barnabas et trois autres anciens, dans l'Église locale d'Antioche. Il y avait cinq hommes. Ils étaient tous pasteurs ou tous anciens de l'Église d'Antioche. Et tout d'un coup, Actes 13, verset 2 nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient, qu'ils adoraient, ils ont des dons, ils servent l'Église, ils l'encouragent, ils l'enseignent, ils s'affermissent les uns les autres, ils œuvrent dans l'Église, dans l'Assemblée. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ils sont sortis de cette église locale et l'évangélisation du monde a commencé. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Mais le mandat, bien entendu, ce n'est pas seulement qu'à eux qu'il a été confié. Hein? C'est à tout le monde dans lequel le Saint-Esprit est venu habiter. Parce que Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Où? Dans l'Église? Dans le hall d'entrée? Dans l'accueil? Non. Il nous dit « Dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusque chez vous, jusqu'ici, à Val-d'Or. » L'Église, c'est le point de départ de l'évangélisation du monde. Frères et sœurs, j'espère que je vous communique ne serait-ce qu'une partie de ma passion pour l'Église locale. J'espère que c'est contagieux et que vous allez l'attraper et que vous l'attrapez. J'aime l'Église. J'aime l'Église du Seigneur Jésus. Jésus a aimé assez son Église pour verser son sang pour elle. J'aime l'Église du Seigneur Jésus parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Ce n'est pas l'Église qui bâtit l'Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. J'aime l'Église parce qu'elle va gagner à la fin. Parce que Jésus a déjà gagné. Jésus a ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'aime l'Église parce que c'est la chose la plus précieuse que Dieu a sur la terre. Parce que sa valeur est liée au précieux sang de l'agneau. À son sacrifice, à Jésus même. J'aime l'Église parce que c'est le lieu de culte, c'est le lieu où est-ce qu'on adore. J'aime l'Église parce que c'est le point de départ de l'évangélisation du monde. Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez, Jésus est partout dans le processus. « Je bâtirai mon Église. » Jésus a la puissance d'accomplir sa promesse. Nous, on se soumet à ça. Nous, si Dieu se sert de nous, on est des outils. On veut être obéissant, bien entendu. On veut servir. On est là, on est disponible. Je bâtirai mon Église. La gloire est à Jésus. La gloire est à Dieu. N'oublions pas ça. On va terminer en priant. Notre bon Père du ciel, on te rend grâce, on te remercie de ce que ces quatre petits mots ont fait en sorte qu'on puisse être ici aujourd'hui, à t'écouter, à t'entendre. Ces quatre petits mots, « Je bâtirai mon Église » que tu as prononcé il y a 2000 ans, ont fait en sorte que nous avons été sauvés, que nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang précieux de l'agneau. Toi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je te rends grâce, Seigneur, que tu as eu pitié de nous, que tu nous as accordé cette grâce, ce don de la foi, que tu nous as accordé la repentance, Seigneur, afin qu'on puisse croire en toi, afin qu'on puisse faire partie de cette merveilleuse famille qu'est l'Église. L'Église universelle, bien entendu, et l'Église locale à différents endroits. Merci pour nous rappeler cette vérité, que c'est toi qui bâtis. Merci de nous donner la possibilité de te servir, d'être utile dans cette construction, Seigneur. Mais ne permets pas que nous puissions chercher à nous glorifier dans cette construction qui t'appartient. Nous avons toutes sortes de programmes afin de parler de toi, afin d'annoncer ta parole, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous d'être fidèles à ta parole. Donne-nous de te donner la gloire en toutes choses. Et Seigneur, permets que dans cette église ici, cette église locale, puisse être ajoutée tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle ici à Val-d'Or. Tous ceux qui tournent autour de l'église et qui n'ont pas encore fait le pas, le choix de venir parmi nous, ou qu'ils en sont sortis pour une certaine raison. Je prie, Seigneur, que tu ramènes ton troupeau à l'intérieur, ici, avec les autres frères, afin qu'on puisse ensemble s'édifier, s'affermir, s'enseigner, s'aimer les uns les autres, s'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, et par-dessus tout, t'adorer, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Alors, je vous souhaite bonne semaine et je vous invite à revenir dans quelques semaines. On va continuer sur le sujet de l'Église locale. Au revoir.